Nigo, Lego, let's go. Tudo de O. GAS. I can't stop because I don't stop. Chief, t'as pas vu la face de Dieu négro, j'ai vu celle du diable. On a tous un Dieu, mais je sais pas si le Dieu est fiable. C'est des versets sataniques, mes punchs que je tire. Et tu penses pouvoir les éviter, mais le contraire s'attire. On pissera sur la Bible, mes potos, je vous promets. On roulera dans des Maybach, my nigga, j'en promets. Je parle pas de tous, mais ceux-là qui partent à l'église ou encore à la mosquée, wesh, j'en sais connaît. On pense qu'ils prient Dieu, mais entre nous, ils prient la monnaie. Je les pisserai dessus et après leur ferai des chèques. Se prendront pour des boss mais ne seront que des pions de chèques. Jésus-Christ est mort, dans sa foi j'ai le viti. Zara, nada, appelle-moi Hello Kitty. Tu veux ça en français, négro, appelle-moi salut démon. J'ai caché le cyclope dans le tronc de Secret Story. Mystique comme la tête de Mickey Mouse. C'est j'ai la conscience tranquille. Je suis le femme, ni ange, ni démon. Parfois on me demande si je suis le femme. J'ai la conscience tranquille. Je suis le femme. Ni ange, ni démon. Parfois on me demande si je suis le femme. Dans ma tête, des images comme les coqs sportifs. Des 6, des 7 ou des lettres excessives. Car c'est pas pour des gens comme moi que Jésus mort sur la croix. Alors épargnez-moi de toutes ces histoires de la foi. J'ai même peur, une peur de moi quand j'écoute le son de ma voix. Incomplet donc sur mon front, j'ai un 663. On me dit que j'ai pas droit, mais moi je pense que j'ai tous mes droits. Donc never I go Lego, Lego, let's go. Mon frère, oui ma soeur, vous êtes tous mes chéris. Évitez les blasphèmes, priez plutôt qu'on soit béni. Je dispose de tout, mais mon frère, je ne valais rien. On m'appelait Batox, Nigo le galérien. Pardonnez-moi mon père, car je suis qu'un pécheur. Je vis le jour au jour, car demain rien n'est promis. Papa, maman m'ont dit que les derniers seront les premiers. Mais un ami proche m'a dit que c'est maintenant ou jamais. J'ai la conscience tranquille. Je suis le femme. Ni ange, ni démon. Parfois on me demande si je suis le femme. J'ai la conscience tranquille. Je suis le femme. Ni ange, ni démon. Parfois on me demande si je suis le femme. Tous les jours fermons les yeux pour n'être qu'à vos côtés. Le mal est une preuve qu'on peut soi-même se souhaiter. Mon feu vient de la Bible dont j'en suis fier de vous louer. Je vous confie mes péchés donc faites-moi ce que vous voulez. Jésus-Christ est mort et son sang on l'a vu couler. J'ai pris la communion et ce sang j'ai le goûté. Je me confesse mon père, ma foi est éphémère. Je sais plus de quel côté je suis même si je suis oxymore. Si je retrouve mon chemin c'est la prière du cœur. Car je sais que les bons choix ne proviennent que du cœur. Tant ne pleurez plus pour moi, je vous en supplie. Je choisis mon chemin, ne vous faites plus de soucis. Je suis libre et autonome, mais je me sens souvent seul. Je veux de plus en plus vite, mais je sais plus encore où. Ma place n'est pas sur terre, donc je réside aux cieux. Regarde bien là-haut, car je dispute avec Dieu. J'ai la conscience tranquille. Je suis le femme. Ni ange, ni démon. Parfois on me demande si je suis